L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Organiser la matière, la néganthropie. Il semble tout à fait normal que pour que la matière existe, il faille qu'elle se crée. Donc il semble d'une logique fondamentale que la matière se crée encore. David Elbaz nous fait découvrir cela en 2019. Aurélien Barreau nous fait découvrir aussi que le temps peut se comprendre avec l'âme selon Kepler. Cela nous dépasse. La tendance à l'organisation est due à l'âme, à la vie donc. La possibilité pour l'humanité d'organiser la matière, tout comme la volonté de la vie d'organiser la matière, s'appelle la négranthropie. L'entropie, introduite par les Carnot, c'est-à-dire la tendance à la désorganisation, intervient lorsque l'humain ne comprend pas suffisamment ses possibilités et se désorganise par le fait qu'il n'a plus besoin de méditer avec le changement de paradigme qui a apporté la profusion. Ainsi, au lieu d'avoir un développement continu, l'humain fait face à une décroissance due à la paresse ou à la censure. En effet, ceux qui ont le pouvoir ont besoin de rareté pour avoir une emprise sur la population. La profusion permet en effet de permettre à des nouveaux venus de s'affirmer. Ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas de ça. La tendance à l'organisation sera alors utilisée dans la recherche, seul métier d'avenir. En effet, trouver quelque chose de nouveau est la seule chose que les robots ne peuvent pas faire. Un robot n'évolue pas, mais apprend ce qui est déjà su. Le robot ne possède pas d'âme, c'est une machine. Notre âme nous fait évoluer. Ainsi, lorsque nous émettons beaucoup d'hypothèses, une hypothèse supérieure naît de l'ensemble de notre savoir, qu'il soit vrai ou pas. Éliminer les erreurs de ceux qui ont trouvé, comme le fait Lyndon LaRouche, permet de devenir suffisamment rebelle et scientifique pour pouvoir trouver. Aussi, la négranthropie est née de l'entropie de Galvin. Or, Nicolas Léonard Sadi Carnot est l'auteur sur lequel Galvin se base. Sadi Carnot parle merveilleusement de la thermodynamique, donc des mouvements de matière, ceci en utilisant et en déglaçant la chimie par la chimie. Vous pouvez lire le début du livre pour le relire lors de vos études scientifiques. Lecture, réflexion sur la puissance motrice du feu, de Sadi Carnot. Mes notes, pourquoi l'univers se crée-t-il ? C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux, dédicace à ASRL.